il est 1h04 et donc c'est joli. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0870 5000, 0800 308 5000, et toujours 3615 Scott Pen Radio, rubrique direct. Donc on va commencer sur les débats, le premier, les sports d'église, et après ça sera sur les aspirateurs. Donc là vous venez d'écouter, c'était quoi, Manu, s'il te plaît? Je ne sais pas du tout, Gérard. Chef, pardon, excuse-moi. Bah moi je sais pas non plus, donc j'aurais bien voulu savoir. Pourtant c'est toi le chef, tu devrais savoir. C'était quoi le titre? Prodigy. Prodigy. Avec, Prodigy, Prodigy. Ouais, avec Firestarter. Firestarter. Donc bah là moi pour l'instant on n'a pas trop grand chose, donc on va continuer de discuter un petit peu, parce que pour l'instant j'attends qu'on me fasse la liste et puis qu'on me la donne. Donc quand ils seront décidés au standard, ça ira. On se dépêche parce qu'on va pas faire trop de blanc longtemps. Donc ben je sais pas, merci Olivier pour non Olivier, s'il te plaît, tu vas pas commencer comme ça, parce que sinon moi ça va aller vite, je vais même pas commencer le premier débat. Olivier, s'il te plaît, merci. Donc bon ben, oh Olivier, s'il te plaît, tu commences pas, d'accord? Olivier, tu commences pas, tu t'amuses pas. Il règle le son, Gérard, c'est son taf. Non, parce que là, j'ai plus rien du tout, hein. Non. Allô, vas-y. Non, moi, là, pour l'instant, j'ai rien du tout dans les oreilles, hein. Alors, si on commence... Non, là, non plus. Si on commence les débats comme ça, ça va pas être bon, hein. Non, mais là, j'ai rien du tout, hein. Tu t'entends pas, là? Avec du mal. Je pense que... Avec du mal. Non, mais tu vas voir. Vas-y, parle. Parle. Non, mais là, je pense que les auditeurs, on va pas les entendre. T'es fou, quoi? Attends, tu vois, il fait des histoires. Vas-y, voilà. Ah ouais, mais attends, toi, tu dégages. Allez, hop. Pour qu'il se fasse engueuler. Ouais, allez, c'est dégage. Nul, c'est nul. Dégage. Alors, on va accueillir Edouard. Bonsoir. Edouard. Bonsoir. Bonsoir. Denis. Bonsoir. Bonsoir. Steve. Bonsoir. Je te souhaite un bon débat, Gérard. Merci. Gabriella. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Delphine. Bonsoir, Gérard. Et Jeanne. Bonsoir, Gérard. Comment vas-tu ce soir? J'ai pas regardé. Donc alors, en espérant que le débat se passe bien malgré ton mécontentement persistant et l'incompétence de l'équipe qui t'entoure. Voilà, ben, j'espère de votre côté que ça va bien se passer, que je ne sois pas obligé de 3 minutes de virer les gens. D'accord, Gérard. C'est à nous de nous faire valoir. Comment? C'est à nous de nous faire valoir et de ne pas nous faire jeter. Ouais, ben, c'est à vous aussi d'être correct et ouais, tout. Gérard. Et Gérard, c'est à toi de nous montrer que tu as des couilles aussi. Oui, ben alors déjà, on va commencer par... Non, on va pas commencer comme ça, d'accord? Non, on dégage personne, on va tous s'écouter les uns après les autres. Ça va être magnifique ce soir, je crois qu'on va faire le plus beau débat grandiose de la vie. Et... Ouais. Donc, ouais. Avez-vous déjà été au sport d'hiver? Denis. Oui. Oui, je suis déjà allé au sport d'hiver... Donc j'y vais généralement l'hiver quand il y a de la neige pour aller faire du ski, de la luge, du snowboard et des batailles de boules de neige. C'est très agréable. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Gérard, même un sport lucratif. Gérard, mais donnez vos noms au fur et à mesure. Mal d'avoir coupé la parole, c'était Edouard. Oui. Denis, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi faire un débat sur les sports d'hiver? T'as dû déjà y toucher pour pouvoir faire un débat. Bah disons, c'est que vu que comme à l'heure actuelle, bon ben comme tout le monde me dit, on aurait pu le faire en deuxième, mais comme à l'heure actuelle c'est les sports de Nagano, c'est les Jeux Olympiques de Nagano, c'est pour ça que je voulais faire un truc là-dessus. Mm-hmm. Gérard, oui. Est-ce que je pourrais faire une petite parenthèse? Oui. Pour les auditeurs. Oui, c'est qui? C'est Gabriella. Oui. C'est juste pour la informer que sur Canal, il y a le film de cul en ce moment. Non, mais ça, c'est bien. Merci, Gabriella. Ouais, merci, Gabriella. C'est hors sujet, là, Gabriella. Oui, Gabriella, c'est bien. Dans une parenthèse, Gérard, je te l'ai dit, tu m'as dit oui. Alors oui, mais... Non, mais attendez. Okay. Non, mais attendez. On sait que sur Canal, c'est bizarre que... Ah bah oui, c'est une rediffusion du film de cul. Ah, t'es au courant, Gérard? Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc, non, allez, c'est. On s'écarte alors. Edouard. Edouard. Oui. Donc, pourquoi? Oui. Quoi, oui? Écoute, moi, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je n'ai pas le décodeur. Non, mais attends, Edouard, s'il te plaît. Oh, sérieux, on est au sport de glisse. D'accord. Avez-vous déjà été au sport d'hiver. Oui, Gabriella, je réponds, je fais souvent du sport de glisse. Qu'il fasse chaud ou froid, que ça soit dehors ou dedans, je fais souvent du sport de glisse, oui. D'accord. Donc, toi, Edouard ? Edouard, s'il te plaît. Oui, le sport de glisse, c'est une chose que je pratique à l'occasion de mes vacances, lorsque je peux financer ces vacances. Non, mais attends, Edouard. Oui. Hey, tu as déjà commencé par travailler. D'accord, non, il faut que je te signale un truc, Gérard, c'est qu'en fait, Edouard est étudiant en oui. bio-neurologie. Donc, oui. tu vois, il a du mal à s'exprimer bah, toi, je... rapidement parce qu'en fait, il réfléchit tout le temps, Edouard. Ouais, non, mais... toi, donc, c'est un étudiant. Donc, je suis en faut réflexion tu... permanente. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, Gérard, je réponds à tes questions, je suis en train de faire mes devoirs. Non, ok. Pour demain. Steve. Donc, tu vois, il faut que tu aies de la compassion. Toi. Steve. Bah, écoute, moi, j'ai eu la chance de. Et j'ai encore la chance de beaucoup voyager. Mm-hmm. Donc, sport de glisse, ouais, j'ai eu la chance de faire à côté du Fujiyama au Japon. Mm-hmm. Excellent, excellent. Tu parles de Nagano, bon, bah, c'est vrai que c'est pas loin. Oui, mais ça, on en viendra. On en parlera, bien sûr. Donc, c'est vraiment, ouais, les sports de glisse, j'en fais pas mal, bah, surtout à l'étranger, quoi. Mm-hmm. Gérard, voilà. Oui. Et toi, est-ce que tu glisses beaucoup? Bah, attendez, on va continuer. Je vais répondre quand même à la question après. Delphine. Oui. Donc, pour toi? Bah, moi, je glisse tout le temps. Voilà, qui c'est qui a un mauvais son là? C'est pas marrant. Hein. C'est pas qui marrant. Qui c'est? Ouais. Non mais j'ai cru entendre un non, mauvais son. Non mais Gérard, continue le débat sur ces. Donc Jeanne, s'il te plaît. Bah, écoute, moi j'ai pratiqué sport d'hiver en Alaska, à Nagano aussi, mais c'était dans le temps, c'était avant. Mm-hmm. Et équitation ici. Moi, je me suis cassé la gueule en faisant du snow. Est-ce que quelqu'un le décodeur? Parce que moi, je l'ai pas et... Non, mais c'est bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est hors sujet. Ouais, mais bon, on voit rien. Mais si, on voit, elle est en train de... Non, mais ça y est, oh est Gabriella. Eh, Gabriella. Bon, eh, Gabriella, si tu veux regarder le... C'est pas moi, s'il te plaît. Oh, ouais, exactement, c'est ceux qui veulent voir le film, bah, ils raccrochent. Voilà, non, mais vous avez pas commencé comme ça, d'accord? Bon, et toi, Gérard, est-ce que tu aimes glisser souvent? Bon, alors là, déjà, première chose... Est-ce que je peux préciser quelque chose avant de commencer? Qu'est-ce que tu veux préciser, toi? Est-ce que tu peux parler plus fort quand tu hurles parce qu'on t'entend pas? Ouais, ah ouais, mais là, j'y peux rien. Là, je vais vous dire une chose, je n'y peux rien. Je n'y peux rien si vous m'entendez très mal. D'accord. Pourquoi c'est le matin, ça? Ah ouais, là, j'y peux rien. Même moi, j'ai du mal à... Par moment donné, j'ai du mal à vous entendre quand vous répondez à la question. Mais il faut que tu fasses un effort, là. Ouais, mais... Moi aussi, chef. Moi aussi, chef. J'ai du mal à entendre. Moi aussi, chef, on m'entend pas bien. Oh! Oh là là, il y a du Olivier. Bon, Gérard, là, on poursuit le débat. Non, alors moi, je peux vous dire une chose que jusqu'à maintenant, j'étais qu'une fois au sport d'hiver et c'est tout, mais c'était très dur. T'as fait la luge? Même pas. T'as fait quoi au juste? Bah, j'étais sur les pistes et c'est tout. Oui, mais j'ai jamais fait de ski. T'es où? T'as été médaillé? Non. Ah, t'as pas fait de ski? T'as pas une médaille? T'as ton flocon ou je sais plus quoi là? Ah bah attends, qui c'est qui pose cette question là? C'est la Kedan. Non, mais question, attendez, s'il vous plaît. Il m'avait semblé avoir dit que le premier qui répondait déjà aux questions avant, ça servait à rien. Gérard, comment veux-tu qu'on sache que non, le flocon comment... fasse partie de tes questions? Le flocon, quand tu parles de sport, oui, de neige, c'est oui. Oui, mais alors, si vous avez écouté mardi ce qui s'est passé dans le bureau, vous avez très bien compris les questions. Mais donc, on en vient à ça. Savez-vous ce qui est? Si oui, quelle médaille avez-vous? Or, argent, bronze ou le flocon? Comment? Oui, bah, t'as très bien compris. Alors, je pourrais répondre, c'est Gabriella. Oui. Alors, moi, j'ai la médaille Gold. En anglais, c'est or, Gérard. Mmh. Et silver, Gold. Ouais, bah, ok, on a compris. Ok. Bon, Edouard. Ouais. Bah, moi, non, je pratique juste pour m'amuser, en fait, hein, pas plus. Moi, non, je mais, suis ceinture noire de snowboard. C'est qui, ça? Ça, c'est des conneries, ça n'existe pas. C'est... Attends, Denis. Oui. Ceinture noire de ouais, snowboard. Ça n'existe pas, il dit n'importe quoi. Le snowboard est une discipline qui a été au fil des années. Oui. Ouais, non, mais allez-y, rentrez là. Non, mais si vous commencez déjà, la deuxième question, j'entends à vouloir pas, jouer, plus, à dire, attends, Denis. De quoi? Non, je disais, j'ai plus fort, t'entends pas mal. Ah ouais, mais moi, j'ai pas rien si on m'entend mal. Fais un effort. Est-ce que tu peux crier plus fort? Excuse-moi, chef. Oh, combien magnifique, il y a une question sur Minitel. On nous dit, pourquoi tu cries alors que le débat a l'air de si bien commencer? Ouais, mais pourquoi que je crie? Parce que les auditeurs, ceux qui sont à l'antenne, ne m'entendent pas. C'est si, vrai. Je viens de le dire à l'instant. Mais non, il t'entend. Mais c'est ça, il paraît que t'as cassé le matos. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Celle qui commence à dire ça, ça va pas aller longtemps. Alors Denis, donc pour ta question, je vais te dire une chose, j'ai jamais vu de ceinture noire là-dessus. C'est vrai. Écoute Gérard, c'est que le snowboard a été marginalisé, n'a pas été considéré comme un sport de glisse tout de suite. Ouais. Alors pour se démarquer des autres sports qui sont populaires comme le ski, la luge, tout ça, eh bien eux, ils n'ont pas adopté le système des flocons, ils ont adopté le système des ceintures des arts martiaux. Alors là, Même en France. Non, tu veux jouer sur le judo. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Si. Non, qu'est-ce qu'on pense de ça, Gérard? De respectable, il est vrai. Je sais vraiment pas pourquoi tu dis ça. Non, je suis d'accord avec lui parce que même quand tu fais du sport de glisse, quand ça glisse, si tu veux, ça pénètre, donc quelque part, ça fait un peu mal quand tu tombes. De toute façon, si Manu et Cédar font leur boulot au standard, je suis sûr qu'ils arriveront à choper des snowboarders qui, de toute façon, confirmeront ce que je dis. Mais moi, je peux te dire une chose, qu'il n'y a pas de ceinture là-dessus, d'accord? Bah écoute Gérard, je te fais... dans ces cas-là, je retire ce que j'ai dit et je te fais totalement confiance. Oui, mais Gérard, juste un truc, il y a aussi des ceintures God. Ouais, mais ça, c'est des trucs de cul. D'accord, on n'est pas mais sur... Mais c'est pas du cul, mais tu... Non, Gérard, il y a une différence entre les God ceintures et les ceintures... en argent, en anglais. Gérard, je peux te poser une question, ouais. C'est fini. Vas-y. Je peux te poser une question. Mais vas-y. Mais j'ai vu qu'on t'entend mal, c'est pour ça. Bah oui, mais moi, j'y peux rien. Bon, j'ai pas m'amuser à gueuler déjà la deuxième question. Est-ce que tu connais les champions de snowboard? Non. Ah. GG? Oui. Ouais, je réponds. C'est qui? C'est Jeanne. Je t'écoute. Donc, moi, j'ai participé aux Jeux Olympiques en Arizona. Bien sûr. Non, mais attends, Jeanne. Oui. Jeanne, s'il te plaît, tu as pas commencé. Mais écoute, je réponds à la question. Ouais, mais attends, tu as pas commencé à ramener ta fraise, ok? Mais je réponds à la question. Ouais, mais tu as pas commencé à me parler des jeux bizarroïdes. Attendez, j'ai une question. On se calme. Non, c'est pas une question, c'est en fait un compliment. C'est Aristo 16 qui dit: Gérard, ce soir, tes débats ont l'air mieux que d'habitude, c'est génial. C'est vrai, hein. T'assures, Gérard, pour le moment. Gérard, c'est Denis. Gérard, c'est Denis. Oui. C'est normal que tes débats aient bien. Il n'y a pas Tony, il n'y a pas Arnett, il n'y a pas Ultraman. Donc non, mais c'est bon, Denis, merci. Mais pour répondre à la question, est-ce que Gérard, tu connais donc des joueurs olympiques comme Natakisha Wataka? Ou Franck est-ce que tu connais quand même Franck Esposito? Est-ce que tu connais Natoki Pichata? Bon, s'il te plaît, je voudrais que tu travailles parce que tu vas pas rester longtemps. Gérard, attends, Jeanne, s'il te plaît, déjà, tu vas commencer par te taire. Tu vas pas me faire comme d'habitude, ok? Mais c'est pas moi qui a parlé! S'il te plaît! Gérard, ne crie pas! Mais encore plus que quand tu parles normalement. Ouais. Alors, Steve? Ouais, bah écoute, bon, premièrement, c'est vrai qu'on t'entend assez mal. Ah. Et deuxièmement, tu sais, je voyage beaucoup et j'ai un décalage horaire en pleine tête. Là, je suis un peu fatigué. Donc, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? C'était à Nagano? Ouais. Alors, savez-vous ce qui est? Si oui, quelle médaille avez-vous eu? Alors, on a déjà répondu. Hein. Non, vous n'avez pas tous répondu, je suis désolé. Alors, moi, je sais ce qui est avec des figgles, c'est des petits skis. Donc, je l'ai fait aussi ça en France, mais un peu partout aussi. Et j'ai simplement gagné un mouflon, quoi, c'est tout. C'est-à-dire, c'est quoi mal, ça? C'est une médaille. Ouais, mais c'est quoi? Mais c'est quoi dans quelle catégorie? Bah, c'est ski figgle, quoi. C'est un mouflon, c'est-à-dire c'est une médaille avec un. Gérard, on offre un animal en plus. C'est une sorte de petite antilope des montagnes. Mm-hmm. Denis, je peux te poser une question? Ouais, vas-y, continue. Bah, ça, c'est pas vraiment une question. Je voulais simplement dire que c'est quand même bien que tu t'intéresses au passé sportif de tes auditeurs. C'est vraiment bien. Je trouve que t'es le seul à faire ça. Ah, les chcus, celui-là. Oh, ok, c'est bon, les chcus. Les chcus, bah non, je suis désolé. Oh, tu te calmes, ma mignonne, là. Oh, la mignonne, la chouette, s'il vous plaît, là, elle. C'est pas drôle, je crois que j'ai fait... S'il vous plaît, vous vous calmez. Alors, attendez, c'est Denis qui parle, là. Gérard, il s'est fait casser à longueur de débat par Tony, Ultraman, tout ça. Ouais, et à chaque fois qu'il y a des gens bien à l'antenne qui le félicitent sur son travail, il y a toujours des gens pas très sympathiques qui cassent. Bon, ça y est, mais c'est bon, c'est pas le thème du débat. Alors, le ski... Attends, j'ai pas répondu. Qui? À long terme. Ah oui, Delphine. Ah, qu'elle est mignonne, Delphine. Oh, Delphine. Oh, s'il vous plaît. C'est Steve. Oui, oui. Bon, s'il vous plaît, vous vous calmez, merci. Ok. Bah, moi, je sais pas de problème. Bon, quitte à avoir une médaille, autant avoir une médaille en or, quoi. Mais pourquoi? Bah, quand même. C'est la meilleure, c'est parce que la meilleure, c'est la gode, hein. C'est celle en or. Hein, c'est voilà. Le sommet, tu peux pas aller plus haut. On peut pas aller plus haut. Ah bah, je suis désolé, après la médaille d'or, chez moi, il y a le chamois. Ah ouais, ah. Oui, mais tu confonds les disciplines, Gérard. Oui, non, attendez. Pour l'instant... Gérard, il y a le chamois d'or. Oui, mais non, mais là, je réponds quand même, je vous réponds. Non, je peux vous dire que... quand même à la question. Oh. Permets-moi de te dire que tu te trompes. Ah bon? Oui. Bon, celui qui s'amuse à faire du bruit comme ça, il va se calmer très vite. Non, je trouve ça drôle. Ça va se calmer très vite, et je vous le dis tout de suite. Je réponds, là, parce que là, on stagne. Oui. J'ai une question à te poser. Stagne. C'est quoi, chamois? Gégé ? Oui, je t'écoute. Je voulais savoir, est-ce que t'as déjà rêvé, parce que c'est le rêve de chacun, quoi, c'est de gagner une médaille olympique. Alors, non, mais attends, Jeanne, s'il te plaît. Oui. Et dans quelle discipline ? Bon, vous vous calmez déjà. Meilleur animateur. Dans les meilleurs auditeurs, j'aurais voulu qu'on me laisse parler, merci. Oui. Voilà, comme ça va plus vite. Oui. Donc, alors moi, je te réponds, Jeanne, c'est pas du tout le thème des débats, le rêve. Mais non, fallait écouter s'il te plaît, merci. Non mais Gérard, excuse-moi, tu comprends rien à la question que t'as posée. Mais attends, mais c'est quoi là, ce cirque? Y'a rien là. Attends, il est où l'autre encore? Question, Jeanne. Ouais, je sais. Gégé? Attends, y'a rien, Gérard. Non, et les auditeurs m'entendent très mal aussi. Gérard, pour une fois qu'on fait un bon débat, continue. Vous l'entendez, Gérard? Vous l'entendez bien, là? Non mais sérieusement, vous l'entendez bien? C'est quand tu parles trop fort, tu cries quand tu parles. Que le son. Tu parles, au lieu de me parler normalement, tu parles comme ça. Alors bon, alors ça va, Max? Ouais. Ça va aujourd'hui? Ça va? T'as passé une bonne journée? Ça va, Gérard? Complètement. Ouais, c'est comme ça. Ça va bien? On sent que le deuxième, tu vas le faire. Mais non, mais tu crie. Attends, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Toi, tu dégages! Dégage là! C'est sans doute que tu vas faire l'action! Nervosité. Comment ça se passe, ce film de cul sur Canal, là? Eh, on en est où, oui? Toujours crypté. Attendez, j'ai le décodeur, moi. J'ai toujours crypté. Attends, mais je comprends pas, On se calme, on revient au débat, s'il vous plaît, merci. Ils sont dans une boîte de nuit. Quelle question, c'est pas ça? Essaye de parler normalement. Crie pas, Gérard, ça sert à rien. Peux-tu avancer dans ton débat? Gérard, tu deviens parano. Bon, maintenant, on revient au débat. Celui qui a le décodeur et qui parle du film de cul va dégager tout de suite. Gérard, on t'écoute. Déjà, celui qui s'amuse à perdre le cochon va dégager. Gérard, on t'écoute. Allô, Gérard, on t'écoute. Gérard ? Le ski. Oui. Le ski est-il pour vous votre sport préféré ? Non. Denis, je peux répondre ? Vas-y. Oui, le ski, pour moi, c'est... C'est mon sport préféré, mais moi je le pratique sous plusieurs formes. C'est du ski de fond, ski alpin, ski de bosse, saut à ski. Mais bon, le problème avec le ski, c'est que c'est saisonnier. Tu peux pas en faire toute l'année. Il faut attendre qu'il y ait de la neige, quoi. C'est vraiment dommage. C'est ma vie, hein. Bah, c'est Steve, là. Oui. Bah, écoute, moi je préfère les sports de combat, les arts martiaux séculaires qui ont traversé le temps et les époques, comme la Tewaza, tu sais, dans la Chine antique. Non, mais attends, c'est Steve. Profonde. Steve. Et très lointaine. Steve. Steve, oui. Steve, s'il te plaît. Oh. Bah ouais, je t'écoute. Mais t'écoute. Hey, je vais dire une chose, c'est pas la question, d'accord? Les arts martiaux n'ont rien à voir dans le sport de glisse. Gérard, c'est Denis. Non, mais attends, Denis, tu vas te calmer, s'il te plaît, Edouard. Tu pourrais répondre, c'est Gabriela. Tu veux aussi que j'aime le ski? Oui, dans la mesure... Voilà, Denis. Oh, attendez, attention, les débats partent dans un mauvais sens. Oui, j'ai l'impression que, Denis, si tu continues à vouloir mettre ton grain de nez, tu as ton grain de sel, tu as dégagé. Mais tu peux répondre, Gérard. Gérard, tu peux répondre, c'est Gabriela. Oui. Alors, moi, j'aime bien le ski qui va jusqu'au fond, et puis le ski de glisse surtout, voilà. D'accord. Edouard? Bah, dans la mesure où je peux partir lorsque mon boulot me le permet et que je peux faire du ski en haute altitude, je trouve ça amusant, surtout à plusieurs, on peut se promener dans les différentes pistes, noire, bleue, violette ou encore orange. Non, attends, Edouard, oui. Edouard, j'ai jamais vu de piste, violette et orange. En Allemagne, si. Non, je suis désolé. Je peux vous confirmer que là, pour l'instant, vous, Edouard, t'es en train de me sortir des pistes. Non, mais attends, Steve, s'il te plaît, merci. Ouais. Donc, je suis daltonien, Tu as... Bon, Gérard, on dévie, là. Gérard, si je pouvais me permettre une petite blague. Non, non, il n'y a pas de petite blague, on est dans les débats, d'accord? Alors, Delphine, s'il te plaît. Ça vous avance à quoi de prendre Gérard pour un con, là? Toi, ça t'avance à quoi que de taire? De sailloter. Gérard? Attends, Gérard, il te défend, tu pourrais être aussi aimable au quand même avec lui. Non, mais attends, pour l'instant, je demande à Delphine. Delphine, s'il te plaît. Oui. Non, le ski n'est pas mon sport favori. Et pourquoi? Elle préfère les arts martiaux. Moi, non, mais attends, Edouard, s'il te plaît. Non, c'est Steve. C'est... Je préfère les... Mais Edouard, Gérard? Oui. Attends, oui, si je peux me permettre une petite blague. Gérard, je coupe la parole. Bon, ouais. Bon. Non, rappelez les habituels, parce que là, c'est du n'importe quoi. Bon, allez, moi, je sens... Moi, je sens. D'accord. Laissez parler Delphine, un peu. S'il te plaît, César, s'il te plaît, tu me calmes Edouard et Steve, s'il te plaît, parce que là, ça commence à bien faire. Oh, il suffit, Gérard, s'il te plaît. Ça commence à bien faire, ces deux-là. D'accord, je les calme. Tu me les calmes, s'il te plaît, merci. Delphine, bon. Répondre, donc, Delphine. Oui. Donc, non, le ski n'est pas mon sport favori. Mais pourquoi? Mon sport favori, c'est les sports violents comme la boxe, le karaté, choses comme ça, où il y a du sang. Ouais, mais attends, mais là, dans ces cas-là, c'est même plus un sport. C'est énorme. Mais la boxe, c'est un sport. Hein. Oui, mais d'accord, mais attends. Il y a du sport. Hein. Moi, t'es les hommes virils, quoi, qui font ça. Ouais, mais. Il y a du sang. Ouais, mais attends, Delphine. Peur. Delphine, dans ce cas-là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que le mec, il va être en centre, tu vas hurler là-dessus. Ça m'excite. Mais non, moi, je vais dire une chose, voir du sport ou qu'il y a du sang, moi, pour moi, c'est pas du sport. Ouais. C'est même pas un sport. Les arts martiaux, Gérard, alors? Ah oui, moi je suis tout à fait contre. Gérard, tu me déçois, hein. Ah bah oui, peut-être des films. Je suis d'accord avec toi, Gérard. C'est qu'après là, j'ai horreur du sang. Et quand Ayrton Senna il s'est scratché, tu crois qu'il y a. Ouais, non, mais attends, mais dans ce cas-là, Ayrton Senna, c'est lui qui s'est planté à plus de 300 km. C'est pas de sa faute, hein. Eh ben, on sait toujours pas pourquoi qu'il s'est planté, d'accord? Oui, ouais, parce qu'il y a un ressort qui a pété dans sa jambe. Non. Moi je suis d'accord, je déteste le sang, je préfère le sperme. Donc, Jeanne, pour toi? Bah, écoute, moi, je n'aime pas du tout le ski. Hein. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer. Pour moi, le ski, c'est un sport qui demande beaucoup d'exercices physiques. Il faut vraiment être physiquement vraiment très costaud. Mmh. Il faut avoir un bon rythme vasculaire. Mmh. Donc, c'est le cœur qui travaille. Quoi. Si ton cœur te lâche, ben, t'es foutu. Bah, dans tous les sports, alors? Non, parce que moi, j'aime bien la Formule 1, parce que pendant 3 heures, t'es sur ta chaise, en train de regarder. Ah oui, non, mais attends. Hey, le ski est-il un sport, le ski est-il pour vous votre sport préféré? D'accord, non, d'accord. Mm-hmm. Tu préfères regarder la Formule 1, t'es comme moi. Ouais, voilà. Moi aussi, j'adore regarder la Formule 1, mais moi, je vais dire une chose, que la Formule 1, c'est pareil, t'as quand même le niveau des jambes. Et des bras qui travaillent constamment pendant 2 heures de. Pendant 2 heures. Ouais, mais la différence, c'est que nous, on fait pas ce sport, quoi. Y a rien de sportif là-dedans. Hein. C'est que nous, on reste assis, quoi. Oui, mais bah, d'accord. D'accord. Sinon, mais d'accord, Jeanne. Bon, d'accord, tu préfères. T'aimes pas le ski. Non. Je suis d'accord avec toi. Gérard, c'est Denis, je peux te poser une question. Oui. Alors, tu supportes pas de voir les gens des arts martiaux se cogner dessus, avoir du sang, mais qu'est-ce que ça t'apporte quand tu vois un pilote comme Olivier Panis ou Ayrton Senna se cracher à plus de 300 km? Oui, mais attends, Jeanne. Attends, moi, je vais répondre. Là, c'est quand même eux qui ont décidé de faire ce sport-là. Dans ce cas-là, pourquoi? Dans ce cas-là, on va prendre pareil sur le foot. Il y en a quand même qui risquent leur vie. Les rugbyman, c'est pareil. Les hockeyeurs, c'est pareil. Oh, je suis désolé, en patinage artistique, on n'a jamais. Mais oui, mais attends, en patinage artistique, fais-moi confiance qu'il y en a quand même. Tu prends le patinage artistique, dans ce cas-là, le tennis. Pourquoi pas le golf pendant que tu y es? Bah, moi, je te parle de du tennis. Oui. Parle-nous du tennis. Si tu parles de la dangerosité des sports, c'est vrai que tous les sports sont dangereux. Moi, je me souviens d'une partie de pétanque où mon grand-père s'est pris une boule en pleine tête. Non mais attends, mais là c'est plus du tout le thème du débat. Non, c'est plus le thème du débat. On peut poursuivre le débat. Oui. On peut dire que le débat est un débat sur le sport. Oui, mais d'accord, on est d'accord. Là on généralise et c'est pas bien. Non, je crois que c'est pas bon de généraliser. Non mais on fait un débat sur le sport de glisse, donc moi je peux vous dire que là tout à l'heure je reviens avec ce que disait Gabriella. Oui. Donc moi je suis pas d'accord de voir des gens qui sont sans ça c'est sans abri. Non mais dans ce cas-là, regarde, je sais pas si vous avez, si tout le monde a suivi le match de mardi. Ah ouais, je l'ai vu, c'était pas mal. PSG, PSG, Metz. C'est comment? Hein? Bon, t'as qu'à regarder l'autre qui est ressorti, il avait quand même une balafre sous le cou. Ah ouais, mais attends, mais. Ouais, mais attention, des fois il y a des terrains minés. Ouais, non, mais. PSG, PSG, Metz. Mais Gérard, ouais. Est-ce que tu crois pas qu'il est déjà dangereux de mettre des crampons? Oui, mais ça, de toute manière, c'est le foot, hein. Genre, dans le rugby. Que t'es en fait, toi, du foot. Attendez. Il y a une question standard. Est-ce que tu penses qu'on peut jouer au foot sans crampons? Oui. Et pourquoi? Ah oui, parce que t'as des salles qui sont adaptées maintenant. T'as des salles où tu peux jouer sans crampons. Et tu joues qu'en basket. Bah ouais, mais attends, généralement, le foot, ça joue dehors. Oui, mais peut-être. Mais alors, maintenant, à l'heure actuelle... Dans les gymnase clubs ou... À l'heure actuelle, si tu veux, je réponds à la question que tu viens de me dire. À l'heure actuelle, tu as des gymnases qui sont adaptés pour jouer au foot. Ouais. En basket. Mais oui, mais moi, je te dis s'ils sont dehors. Est-ce qu'on peut jouer dehors au foot sans crampons? Oui, tu peux, bien sûr. Parce qu'il y a des gymnases. C'est pour ça. Non, tu peux très bien jouer en basket au foot. Hein, je suis désolé. Merci d'avoir répondu. Au foot sans ballon. Ah bah non, ça non, quand même pas. Et sur du sable. Qui c'est qui parle du sable? Edouard. Ouais. Eh ben, dans ce cas-là, quand tu vas l'été. En tongs. Non, mais quand tu vas sur le sable, à la mer, tu peux très bien jouer au foot. Il a raison, Gérard. C'est vraiment beauf, là. Qui c'est qui vient de dire que j'étais un beauf? C'est Steve. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas commencé, s'il vous plaît. Non, mais Denis, donnez vos noms pour vous dire que c'est un beauf. Attendez, s'il vous plaît, Jeanne. Oui, et ben moi, je voulais te... Gérard, je peux te poser une question? 5 minutes, tu laisses parler Jeanne, s'il te plaît, merci. Putain, Edouard, t'es chiant. Oh! Je voulais te dire, José, quelle est la tenue vestimentaire d'un footballeur? Explique-moi, parce que moi, je connais rien à ce jeu. Hein. C'est une paire de chaussures avec des crampons, des chaussettes, un short et un t-shirt. Et voilà. De quelle longueur le short? Le short, c'est des shorts. Ouais, celui qui s'amuse à ronfler tout à l'heure, tu vas dégager. Et quelles sont Bon, s'il te plaît, Fildar, tu me les calmes là encore parce que ça commence à gratter. Donc, ce que tu vas faire, Gérard, c'est que tu vas poser la question, puis on va faire une petite pause, on va mettre un disque. Hein. Ouais, alors, faites-vous de la glisse en faisant l'amour. Ouais. Voilà. Donc, non. Vous réfléchissez, on met un disque avant. C'est quoi? Gérard, je t'en supplie, vas-y. C'est quoi? Vas-y, on va dire ce que c'est. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615 code Fun Radio rubrique direct. C'est Rachid Tata en fait. Rachid Tata. Et c'est Rachid Tata? Tata. Ok. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Et voilà, donc on revient, donc c'est la suite des débats, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique direct, et on récupère Edouard. Edouard. Manu. Hey. Gérard, c'est quoi le disque? Pardon, excuse-moi. Alors le disque, c'était... Rachid Tata. Avec Bouffe la moi. Avec Bouffe la moi, voilà. Voilà, c'est Manu qui le met parce que moi j'ai pas les titres sous les yeux, hein, d'accord. Donc on récupère Edouard. Edouard, s'il te plaît. Ouais. Non, rebonsoir. Ouais, je suis là. Denis. Rebonsoir Gérard, rebonsoir Manu, rebonsoir Fildar. Steve. Ouais, style voyageur, t'adresse tes respects du soir, Gérard. Gabriella. Ouais, Gérard, je voudrais te dire que tu as fait énormément de progrès au niveau de la radio. D'accord. Delphine. Oui, merci quand même. Merci Gabriella. Delphine. Oui, bonsoir Gérard. Rebonsoir. Et Jeanne. Et Jeanne. Le premier qui s'amuse à pousser des soupirs va dégager. J'ai pas l'intention de dégager quelqu'un à 1h36. Bon, Gérard, ta question, s'il te plaît. Alors, je pense que vous l'avez toute entendu, la question. Non, on va répéter, s'il te plaît. Gérard, avant que tu poses ta question, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, s'il te plaît. Une réflexion générale. Oui. Vas-y. Alors, je voulais simplement dire à Goldorak, s'il nous écoute avec ses sondages bidons. C'est qui? C'est Denis. Que Gérard n'a pas débité une seule insulte depuis le début du débat. Ah ouais, bravo Gérard, bravo. Bon, alors on s'est calme. C'était abruti Gérard tout à l'heure. Bon bah c'est pas pareil, ça c'est parce que tu l'as cherché. C'est une gentille insulte, voilà. Hein, c'est une gentille insulte. Et tout ça pour une seule raison, regardez, on n'a pas Tony, on n'a pas Ultraman. Bon Denis, t'es quand même... S'il vous plaît, on revient au thème du débat. Ouais, je voulais seulement dire que... Attendez, il y a Fildar qui veut poser une question. Je voulais seulement dire que Denis, t'étais quand même un peu lèche-cul, c'est tout ce que je voulais dire. C'est vrai. Je suis pas l'excuse, je me mets du côté de Gérard. Il pose des questions. Bon, Gérard, on peut répondre. Bon, Jeanne, s'il te plaît, là, tu restes poli. Je voulais simplement dire que Gérard fait des débats intelligents, pose des questions intéressantes. Ouais, vas-y, c'est bon, Gérard, vas-y. Alors, faites-vous. Bon, ça y est, Steve. Allez, vas-y, Gérard. Bon, ça y est, s'il vous plaît. Taisez-vous. S'il vous plaît. Merci. Alors, faites-vous de la glisse en faisant l'amour. Oui, moi je glisse beaucoup. Oui, on fait beaucoup de glisse. Alors, c'est-à-dire qui, oui? Gabriella, parce que c'est normal que quand on fait du ski, ça glisse, c'est mouillé, ça sent la transpi, ça a des poils et tout, quoi. Comment ça? Eh ben, tu me dis en amour. Moi, je te dis, moi je glisse souvent en amour. Surtout si tu me touches, Gérard. Non, mais ça... Moi, j'aimerais bien que tu me touches la chenette. Non, mais... Ça va glisser, hein. Non, mais attendez. Avec toi, ça y est, moi, je touche déjà la founette de quelqu'un d'autre, ouais, et ça glisse super. Daniel, c'est la meilleure. Non. Tu la toucheras, tu verras. Non, mais ça y est. Tu arriveras à jouir. Ça y est, c'est bon. Quand j'ai touché, c'est du bon cru, hein. Bah, c'est Steve. Steve? Bah, écoute, non, moi, je pense pas que ça soit possible de faire l'amour en disant, touche ou, c'est impossible. Steve, faudra qu'on se rencontre. Non, mais attends, Steve. Oui. Steve, tu peux répéter parce qu'il y en a un qui s'amusait à dire joli. J'ai pas tellement compris ce que tu m'as dit. Bon, bah, j'ai répété, mais c'est bien parce que c'est toi, hein. Non, je disais que c'était impossible en fait de pouvoir faire l'amour en descendant à fond avec tout chaud, avec des skis et d'un nana, quoi. Moi, toi, tu descends jamais à fond, peut-être. Non, mais attendez, ça, de toute manière, je pense que ça va être sûrement question. Explique-moi, Gérard, comment on fait. Moi, je veux bien savoir, c'est Steve. Comment on fait pour glisser et faire l'amour, Gérard? Oui, mais attendez. Qu'est-ce que ton nom, si t'es plus malin que les autres? Donc, Denis. Oh non, mais on fait le tour. Delphine, s'il te plaît. Oui. Donc, pour toi. Moi, je glisse beaucoup. Bah, c'est ton nom. Denis, je peux répondre. Mais attends, Denis, s'il te plaît, merci. Edouard, ta petite blague. Delphine, je glisse beaucoup. Et je dois entendre la blague d'Edouard. Non, mais alors, dans ce cas-là, si tu veux entendre la blague d'Edouard, t'avais qu'à l'écouter en antenne. Ouais, mais il l'a pas dit. Bah, dans ce cas-là, vous avez qu'à vous débrouiller en antenne. C'est pas le thème du débat, s'il vous plaît. Merci, c'est pas. Denis répond. Oh, qui c'est qui veut passer par-dessus là? C'est pas toi le chef, c'est Gérard le chef. C'est Gérard le chef, arrêtez de vouloir passer dessus. Ah, Manu. Oui, il y a Jean-Michel sur Minitel qui nous dit une chose toute simple et qui est à méditer. Gérard, t'es meilleur. Oh, quel porc. Bon, celui qui s'amuse à faire le porc, tu vas voir Phil de Rossander. J'ai pas compris la question Minitel. Non, toute simple, à méditer. Gérard, t'es le meilleur. D'accord. Ben, je te remercie. Je suis en entière cohabitation c'est avec ton frère, Edouard. Oh, s'il vous plaît. Mais je suis pas en l'échu, mais arrêtez. Bon, ça commence à bien faire, là. Vous avez pas commencé à 1h40 à vouloir m'énerver, d'accord? Ouais, chef. Bon. Oui, alors, chef. Edouard, tu veux peut-être répondre? Oui. Bah alors tu réponds? Avec ta blague? Non, pas ça, c'est bon, alors si tu vas pas répondre, Edouard, tu vas voir Fildar, tu vas lui. Il y a des questions à qui on peut. Si la blague répond, bah c'est pas ça. Mais dans ces cas-là, pourquoi? Mais dans ces cas-là, pourquoi tu. Je suis trop loin dans mon intimité, j'ai vraiment pas envie de la dévoiler ce soir. Voilà, il l'a dit, voilà. Ouais, mais alors dans ces cas-là, Edouard. Dans ce cas-là, pourquoi que t'as répondu Non, des questions, je ne veux pas. Non, il en est. Bah, je vois pourquoi. Ok, bam, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ce titre, je revends. Non, mais c'est pas grave, il veut pas répondre, il va rester dans son coin, on lui posera plus de questions, c'est tout. Mais ta blague, tu as te la garder toute la nuit parce qu'on t'a fera pas passer. Bah, tant pis, ça t'apprendra. Oui. C'est pas facile de parler de. Est-ce que je peux avoir le standard? Oui, ben, tu vas y aller au standard. Tu prends Edouard Fildard. C'est pas facile de parler de notre vie sexuelle devant 24 milliards d'auditeurs. Oui, mais dans ces cas-là. Non, mais là c'est sur un débat. Je vous demande pas de dévoiler votre vie sexuelle. Oui, mais ça, la question sur votre rapport. Mais dans ces cas-là, c'est normal que je fasse des questions quand même pour. Mais dans ces cas-là, je vais vous dire une chose sur l'aspirateur, c'est pareil, il y a des questions. Gérard, c'est Steve, j'ai une question à te poser. Vas-y. Ouais, je voudrais savoir, donc t'as posé une question, moi je te la retourne. Comment tu fais pour pouvoir faire l'amour quand tu descends tout chousse avec une nana? Eh ben, c'est simple. Parce que moi j'ai beaucoup voyagé et je crois pas, hein, ça. T'étais où, Steve? Ah, partout. C'est-à-dire? C'était. Hein? Mon frère, où je suis déjà été à Brioux-sur-Boutonne. Bon, Delphine, tu veux répondre? Elle a déjà répondu. Jeanne? Elle a déjà répondu. Non, elle a pas déjà répondu, Steve, s'il te plaît, tu te calmes, merci. Dans un film que je tournais qui s'appelait La neige au Sahara. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Non, mais moi, je peux vous dire que c'est vrai que c'est dur de faire l'amour sur de la glisse. Hein. T'as essayé, Gérard? C'est Steve. Non, j'ai jamais essayé, tu vois, malheureusement. C'est pas souple, hein. Non, mais je pense que c'est assez compliqué. Non, mais Gérard, avec moi, tu arriveras, je te promets. On verra. D'accord. Est-ce que tu arrives à toucher tes employés? Je peux répondre, j'ai pas répondu. On prendra rendez-vous, hein. C'est qui? C'est Denis, je peux répondre, j'ai pas répondu. Oui. Moi, je pense qu'on peut faire l'amour tout chousse, indirectement. C'est-à-dire? Tu sais, quand tu fais l'amour avec une femme, tu découvres forcément des collines et des vallons cachés. Oh, c'est beau. C'est super. Ouais, mais attends, des collines et des vallons cachés, c'est-à-dire... Je vois pas de quoi je veux dire. Ah, ça, c'est dans le dictionnaire, Gérard. Ouais, mais j'ai pas de dictionnaire, là. Demande à Manu. Ah, c'est les nichons et les culs, t'as rien compris. Ouais, non, c'est pas beau. Non, mais j'attendais qu'ils le disent. Ah, parce que t'avais compris, t'avais compris. Bah oui. Bon, il est con, le chef. Hein. Croyez-vous qu'en hiver, on puisse faire l'amour sur le hockey sur glace? Bon, José, tu peux pas poser des questions. Oui, j'en suis persuadé. Ouais, parce que là, tes questions, elles sont pas nettes. Tes questions, elles ont le même champ lexical, hein. Ouais, alors, j'ai le droit de poser des questions. Mais non, mais Gérard, croyez-vous qu'en hiver... Bon, s'il vous plaît. Gabriella répond. Bon, José, vas-y. Non, attends, Gabriella, je repose ma question. Ouais, croyez-vous qu'en hiver, on puisse faire l'amour sur du hockey sur glace? Oui. Qui? Alors, Gabriella. Alors, oui, parce que regarde, déjà, quand tu fais l'amour, quand tu glisses, je veux dire, dans le hockey, là, tu peux glisser aussi. Donc, forcément, tu pourras faire l'amour en même temps. Tu pourras glisser, tu pourras faire du hockey, tu pourras sauter. C'est tu pourras même être regardé. Mmh. Tu comprends? C'est Denis, je peux répondre? Oui. Moi, je peux te dire que oui, parce que tu promets de pas te vexer, Gérard. Bah, vas-y, dis. J'ai simplement vu une fois un film X qui se passait dans une patinoire et les gens qui faisaient l'amour étaient sur des patins, c'est tout. Bah ouais, c'est possible, c'est ce que je dis, magnifique. Mmh. C'est tout. Ouais, bah ça... Et puis, je peux te dire que ça va fort, hein. Qui? Gabriella. Mmh. Denis. Mais oui, viens de répondre, Gérard. Steve? Bah écoute, je trouve cette question un peu obscène, je ne préfère pas y répondre. D'accord. Excuse-moi, à la place d'Edouard qui est parti, on va accueillir Darwin, qu'on a eu sur Internet, un numéro de téléphone sur Internet, et voilà. Oh, hello, Darwin. Gérard, c'est Denis, est-ce que je pourrais faire des questions? C'est toi, Denis. Ah, parce qu'il a une liaison un peu bidon. Oui, Gérard, c'est Darwin, à Nagano. Bonsoir. Darwin, bonsoir tout le monde. Le bulgare... Non, mais c'est bon. Hey. Bah, vas-y, Gérard, vas-y, gère. Vas-y, gère, Gérard. Delphine. Oui. Donc, t'as répondu, toi, non? Non, moi, j'ai pas répondu, mais en fait, Delphine. Hein. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, Darwin. On se calme. Darwin, wait for a moment. Delphine, s'il te plaît. Oui, bah, moi, j'ai déjà fait l'amour sur une patinoire, et c'était tellement chaud que la glace a fondu. D'accord. Jeanne? Bah écoute, je trouve cette question particulièrement vulgaire et sans intérêt. Allez, lâchez-vous, soyez pas pudique. Arrêtez de penser. Jeanne. Oui. Je vais te dire une chose, que la sixième, elle est pareille. Ouais. Je peux te dire une chose, que les autres, les autres, elles sont à peu près de la même façon. Bah alors, explique-nous pourquoi tu as choisi ce champ lexical. Bah alors, mais attends, j'ai choisi ce débat. Non, c'est pas du champ lexical. Oui, champ lexical. Pas de fond, parle de forme. Le champ des baleines, quoi. Voilà. Non, mais moi, je choisis les débats en fonction... je fais mes questions en fonction du nombre d'auditeurs que je vais avoir, comment ça va se passer, et je prends les questions en fonction du temps que j'ai. Et comme maintenant, on est à deux à les préparer, c'est normal que même le deuxième débat, je peux vous dire que le deuxième débat va parler aussi de sexe. Non, mais c'est bon, hein, c'est bon. Oui, Gérard, mais bon, pas beaucoup. Je dois quand dire même. Quand même, Gérard, que tes questions sont plus intéressantes depuis que tu les prépares. Bon, Gérard, là, on passe à la septième question, s'il te plaît. On passe à la six. Attends, t'as pas fait répondre Darwin, le nouveau gars, il vient d'arriver. Ouais, non, lui, mais non, parce qu'attends, on l'entend très mal. Mais oui, mais ça va aller mieux, là, come écoute. On, Darwin. Non, mais s'il vous plaît, vous le laissez répondre, merci. Darwin. Ok. Here we go. Oh, je crois que le parquinage artistique se débrouille pas trop mal. La championne est actuellement en train de faire une bonne performance. Non, mais... Nagano. What about Philippe Candeloro? Bon, c'est bon. Il est à Nagano, encore sous la neige. Bon, ça y est. Oh, Darwin. Darwin, yes. c'était pas le thème de la question, d'accord? Alors maintenant, on pose la sixième. Ok, mais vise le décalage satellite. Ouais, décalage satellite, tu ferais mieux d'en mettre un petit peu dans ta petite tête aussi, du décalage satellite. Il chauffe ce soir. Alors, allez-vous faire... Darwin, une question pratique. S'il vous plaît. Allez-vous faire quoi? Aimez-vous faire l'amour sur une motoneige? Oh, ah, bah, eh, bah oui. On continue. On continue. Gérard, qu'est-ce qu'une motoneige? Une motoneige, c'est une moto que. Avec de la neige. Non, mais c'est une moto avec des skis. Une moto avec des skis. Oui. Elle est où les roues? Non, il n'y a pas de roues. Mais non, Gérard, c'est Steve. Et sinon, elle est où? Attendez, Steve. Une motoneige, c'est une moto qui a pris la neige, basta, c'est tout, quoi. Non, bah attends, Steve. Bah, arrête. Steve. Il recouvert de neige, quoi. Non, mais attends, Steve, s'il te plaît. Ouais. Quand t'auras une connerie à ressortir, ah, non, comme. Je sais pas, je te pose une question. Non, mais moi, je vais répondre à ta question. Oui. Tu peux répondre? Oui. Laisse répondre Gérard avant Denis. Moi, ça va être vite fait. Je ne suis jamais monté sur une motoneige. Non, mais attends, Gérard, qu'est-ce qu'une motoneige? Une motoneige, c'est une moto avec un guidon. Ouais, mais il est où le guidon? Il est placé où par rapport au. Bah, attends, mais c'est Gabriella qui cause. Oui. Bon, s'il vous plaît, vous me laissez répondre. Vous me laissez répondre? Mais oui, mais je pose une question, Gérard. Non, mais laissez-je répondre. Alors, Gabriella, vas-y. Généré au début, oui. Où est-ce qu'est le guidon par rapport au ski? Bah, il est devant. Ouais, mais devant le ski. Eh ben, il est devant sur le ski de devant, sur le sol, le ski devant. Ouais, mais le moteur, il est où le moteur? Eh ben, le moteur, il est derrière, il est sous les fesses. Ah oui, donc en fait, c'est une moto posée sur des skis, il n'y a pas de roues. Voilà. Ah, ok, super. Ouais, pour les sous sur des pièces de moto. Ouais, ben, c'est bon, okay. Darwin, s'il te plaît, merci. Je vais la monter, celle-là. Donc, Darwin, si tu veux répondre. Vas-y, Darwin, yes. Speak. Darwin, speak. Ok, ici à Nagano, c'est courant d'utiliser les. Darwin, c'est. Non. Allez, c'est bon. Motorisé. Mais il explique, il y a une motoneige, c'est utilisé à Nagano. Il est en train de nous dire ce qui se passe à Nagano, on n'en a rien à foutre. Eh ben, c'est des sports de glisse, Oui, mais chez nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de savoir. Mais il dit que les motoneiges, c'est utilisé à Nagano, c'est intéressant. Ouais, mais attends, l'autre, il est à moitié dans le cirage, là. Il a dû fumer, il fume la moquette, lui. Hein. Il n'y a pas de moquette, il y a de la neige, là-bas. Ouais, il doit fumer les... Denis? GG? Attends, Denis? Oui? Oui, Gérard? Tu réponds? Mais j'ai déjà répondu tout à l'heure. Moi, je ne suis jamais monté sur une motoneige et à mon grand regret. D'accord. Steve? Bah écoute, donc tu m'as expliqué ce qu'était une motoneige. Bon, tu me demandes si on peut faire l'amour dessus, c'est ça la question? Oui. Je l'ai jamais fait. Mais j'avoue que tu sais, l'ancienne question, j'ai pas voulu répondre parce que je trouvais ça obscène, mais là je commence à être excité grave, quoi. De toute manière, la suite des questions, ça va être comme ça. Oh, s'il vous plaît, on se calme derrière, merci. Ouais, Gérard, c'est Steve. Je suis hyper chaud maintenant. D'accord. Ben, c'est bien. Gabriella? Oui, alors moi, j'aimerais bien savoir comment. Allô? Allô? On t'écoute? Oui, j'aimerais bien savoir comment tu peux faire l'amour, toi, Gérard? Sur une moto avec les skis en dessous et donc ta femme actuelle, tu sais qui c'est, comment? Bah, de toute manière, je te répondrai tout à l'heure. T'inquiète pas, j'ai... Ah bah non, faut répondre en direct. Alors moi, c'est moi, pas je un te débat, hein. Non, mais moi, je vais te répondre. Dans ces cas-là, si la femme, elle est devant toi, tu peux très bien faire l'amour si elle est face au guidon. Ouais, mais la moto risque de tomber. Bah non. Oh, Steve. Non, c'est pas okay. Steve, tu te calmes, s'il te plaît. Non, je suis excité maintenant. Ouais, Steve, tu te calmes, s'il te plaît. Tu te calmes. T'es pas qu'à m'exciter. Ouais, bah, tu te calmes. Ici, je te calme. Nagano. Oh, Darwin, s'il te plaît, c'est pas toi qui commande, c'est moi. Gérard, on aimerait bien avoir des nouvelles de Nagano par Darwin. Ah, mais je voudrais savoir, Gérard, je dois te poser une question. Faire l'amour sur une motoneige, ça veut dire qu'il y a de la neige, donc il fait froid. Bah oui. Donc tu fais l'amour à poil. Bah oui. Mais c'est la prochaine question. Ah, c'est là, la question numéro 8. Ah, je suis en avance. Mais Gérard, comment Sandy serait positionné par rapport à la moto aussi? Ah bah, elle serait sur le guidon. Ah bah ouais, mais est-ce que ça va tenir? Ça va tomber. Ici, un Nagano en levrette. Bon, c'est bon, là, tu me dégages, Darwin, s'il te plaît. Excuse-moi, Gérard, j'ai juste une parenthèse à faire. Sur le Minitel Benjamin, raccroche, on va te rappeler. Merci. Ouais, ok, bon. C'est pour ton débat, Gérard. Merci, Benjamin. Merci, Benjamin. Et toi, Gérard, tu seras assis où? Non, mais moi, je suis assis. Non, mais je suis normalement assis sur mon siège. Non, mais sur la moto. Ah ouais, je vois, elle est pas mal, cette pose. D'accord. Tu seras sur elle. Voilà. Delphine, s'il te plaît. Ben moi, j'ai jamais essayé, mais bon, j'attends que ça, quoi. Moi, j'attends que ça avec Gérard. Qui? Gabriella. Et ben, tu peux toujours attendre, hein. Ouais, bah, allez, c'est pas moi. Je te touche le kiki, ça y est, tu bandes, hein. Ouais, c'est ça. T'as raison. Je préviens d'une chose, c'est à la Steve. Liaison avec Darwin, c'est pas Steve, c'est la liaison avec Darwin, j'essaie d'améliorer la liaison. Non, okay. Parce que, avec Darwin, ça commence à s'effrire, lui. Non, mais non, il est bien, il est intéressant. Nagano, hein. Donc, Delphine. Non, qu'il faut pas le bordel. Oui. Donc, t'as répondu, là? Oui. Donc, Jeanne? Oui, bonsoir. Jeanne? Oui, Gérard, je vais répondre. Bon, moi je pense. Attends, t'es qui toi déjà? Quoi? Marlon. Non, bah s'il vous plaît, vous allez pas commencer à déformer les voix parce que sinon je vais arrêter. Je sais, c'est Jeanne. Alors Jeanne, tu réponds. Je passe cette question parce que franchement, j'ai rien à dire. D'accord. Franchement. Ok. Alors donc, on va passer à la septième. Ouais. Ah. Alors, peut-on, okay. peut-on avoir des envies de sexe avec les spatules de ski? Alors ça, ça, si vous êtes prévenus, la suite des questions, c'est... Alors, Gabriela peut répondre. Oui. Ouais, alors, c'est tout le sexe, les questions, je vois. C'est quoi, des capsules, c'est ça? Avec les spatules. Les spatules. Les bâtons de ski. Alors, quand j'ai les spatules, tu vois, dans les mains... Allô? Oui, on t'écoute. Quand j'ai les spatules dans les mains... Eh ben, j'imagine que c'est deux grosses queues que j'ai dans les mains. Mmh. Et puis comme ça, je me ferai avec une double pénétration avec les deux, quoi. D'accord. Ok, Gabriela. Steve? Putain, tu m'excites grave avec tes questions. Bon, si ça te plaît pas, Steve. Oui, bande. Bah, je sais pas, j'imagine, je sais pas, Pamela Anderson, tu sais, avec une spatule dans la main gauche, une autre dans la main droite. Et on rencontrait dans la nuit. Je fais tout. Et un bâton. Eh Steve, si ça te plaît pas les questions comme ça, mais tu le dis. Ça l'excite au contraire. Ouais, j'ai pas voulu répondre, non, je réponds et tu me casses. Mmh. Denis. Oui, ben déjà, vous m'excuserez de mon incompétence et de mon intelligence qui est peut-être pas à la hauteur, mais c'est quoi une spatule de ski? Alors tu sais pas ce que c'est. Non, je sais pas. T'as jamais vu des skis? Ben si, je sais skier, mais moi j'emploie pas le terme spatule. Hein. C'est ben la spatule, non mais la spatule de ski, Denis. Oui. Je vais t'expliquer, c'est le bout du ski, d'accord? Mais non, les deux petits bouts bien gros. Ça me viendrait jamais à l'idée d'avoir ça, même pour ma copine, tu vois, c'est horrible. Elle s'en perd vachement. Bon, Steve, s'il te plaît, tu laisses finir Denis. Si ça te plaît pas, Steve, tu vas aller au standard, tu vas te calmer avec Fildar. Parce que tu commences à m'énerver maintenant. Hein? T'imagines, okay. Genre, ça doit faire vachement mal, quoi. Enfin, ceci dit, non, j'ai jamais eu d'envie sexuelle avec une spatule de ski. D'accord. Delphine? Mais par contre, Gérard, toi, il y a du vécu. Comment? C'est du vécu quand même, apparemment. C'est-à-dire? Bah toi, est-ce que t'aimerais avec Sandy lui faire la main avec des spatules? On attend que ça, que tu répondes. Ah bah, tu dis que tu vas répondre, mais tu réponds jamais. Ouais. Bah si, j'ai répondu à toutes les questions, maintenant j'attends que tout le monde réponde. D'accord, ça a l'air win. Alors. Donc, Delphine? Oui, bah moi, non, c'est en voyant plutôt les surfs. Bah c'est pareil. Bah c'est plus large. Ouais, mais c'est à peu près, d'accord, c'est un peu plus grand, mais c'est à peu près long, pareil. C'est bon, hein. C'est surtout plus large, oui. Mmh. C'est proportionnel à l'ouverture, quoi. Exactement. Steve, oui. Darwin, pardon. Darwin, s'il te plaît, okay. Tu te réveilles. Ici à Nagano. Ok, je crois qu'ici à Nagano. Oh ouais, c'est bon. Mais écoute-le, mais tu sais. Ouais, mais tu veux dire, il va nous parler de Nagano tout le long du débat. Ça commence à me prendre la tête, là. Alors, à remplir, effectivement, les sacs des sportifs. Des contrôles de douane ont été effectués. Bon, ouais. C'est d'actualité, Gérard. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on a... Attends, Gérard. Est aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des trucs de douane? On parle pas des trucs de douane. C'est pas un débat sur la douane. Merde. Attends, on est complètement starbé, Darwin. Non, mais je voulais quand même dire que le sexe était présent à Nagano en live. Okay. Non, mais Gérard, ce qui est intéressant, c'est Max. Attendez. Gérard, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance d'avoir un mec en direct de Nagano. Tu parles, tu fais... un débat sur les sports de glisse en rapport avec Nagano, ce que t'as regardé, ça t'a inspiré. Et tu profites pas d'un journaliste qui est là-bas pour nous dire un petit peu comment ça se passe, c'est dommage. Ouais, mais dans ce cas-là, qu'il se réveille, qu'il réponde pas le truc. Il y a du décalage, mais c'est normal qu'il ait un décalage. Ouais, il est en satellite, il y a une seconde de décalage. Mais qu'est-ce qu'il nous sort? Ouais, je vais lui parler. Darwin, tu m'entends? Darwin! C'est normal, attends, il y a un décalage. Darwin? Ok. Comment ça se passe? Oh là, il va à Nagano, je vous entends, Qu'est-ce qui se passe à Nagano? Il y a encore des heures et des heures de neige avant que nous puissions atteindre les premières... Non, ouais, c'est bon, là. Non, là, c'est bon, oui. Les compétitions vont débuter dès les premières... Ouais, bah là, c'est bon, tu peux le calmer. Là, il est en train de faire le con, il est en train de faire le canard. Mais allez, non, Gérard, Delphine. Oui. Delphine. Oui. Fildar, tu me le calmes, s'il te plaît, merci. Non, Gérard, attends, s'il te plaît. Delphine. Oui, moi, je t'ai dit, c'était les surfs. D'accord. Bon, merci pour celui qui s'amuse à faire le bruit, là. Mais c'est Nagano, c'est ouais, ça commence à bien faire. C'est Nagano, c'est le décalage. Il y a un japonais. Bon, c'est Fildar, si jamais je chope le mec qui a le son, là, parce que j'ai fait le tour tout à l'heure, on m'a dit que c'était personne, là, je vais le pécho, ça va être chaud pour lui. Hein. Voilà. Putain, et Fildar, il gère, là. Alors Gérard, à toi. Alors Jeanne, pour finir la question. Tout d'abord, j'aimerais que tu me dises, Gégé, où se trouve Nagano? Nagano, c'est au Japon. Et d'accord. Dans quel continent? Non, au Japon, je peux pas te dire dans quel continent, d'accord. Mais c'est pas le thème de la question. Bah, l'Afrique. Par extension, c'est le thème de la question. C'est l'Afrique, Gérard. Ah ouais, c'est l'Afrique. Ouais. Le Japon est en Afrique. Mais bien sûr, hein, attends, c'est un continent, l'Afrique. Ah, ah ouais, alors attends, là, attends, Jeanne. Je vais répondre calmement. Non, mais Jeanne. Excusez-moi. Jeanne. Oui. Qui c'est qui vient de me dire que le Japon était en Afrique? J'en sais rien, moi non plus, hein. Non, mais c'est bizarre, c'est une nana qui a dit ça et vous en savez rien. Mais c'est un mec qui s'est passé pour une nana. Ouais, ouais. Moi, je peux non, répondre, mais c'est hein. Jeanne, oui, tu réponds à la question, s'il te plaît, merci. Je passe. Tu passes, d'accord. Je passe. Eh ben, c'est bien, hein, je passe. On est dans un jeu, t'as dit. Je suis intelligente pour les passer tout le temps. Alors, croyez-vous faire du ski nu sur de la glace? Ah bah ouais, on continue sur le cul. Alors attends, on... Gérard, juste un truc, toi, tu n'as pas répondu à la question, j'aimerais bien que tu y répondes, s'il te plaît. C'est-à-dire, vas-y. Alors, répète la question. Bah, c'est toi qui l'as, la question, c'est pas moi. Hein. Ah, bah, moi, je vais te dire, pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion. Est-ce que les capsules là. Les spatules, pas les capsules. Est-ce que t'aimerais te mettre une spatule dans le cul? Non. Non, pas ça, les coquettes. Attendez. Hey, la première qui s'amuse à sortir les contontis, je vais dégager. Ah, attends, là, t'as mal entendu, Gérard. Hein. T'as pas entendu, hein. Gérard, Nagano est une petite ville à côté des contontis. Bon, lui, il dégage. Non, mais, s'il vous plaît, là. Gérard, je voudrais bien. Oh, s'il vous plaît. Calmez-vous, Gérard va parler. Le chef va parler, chut. On compose à la huitième et on... Et on met un disque. Et on met un disque. Magnifique. T'as compris, Gérard, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Croyez-vous faire du ski nu sur la glace? Et on s'écoute. Anti-loutre, et vous pouvez toujours nous appeler au 803-08-5000 et 0870-5000. Et toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique directe. Avec What's the Time. C'est ça le titre, What's the Time. What's the Time. Et voilà, donc c'est la suite. Et là, donc vous venez d'écouter Manu, s'il te plaît, tu peux le réannoncer parce que j'ai pas les titres. Vous me donnez pas les titres comme avant. Anti-prout avec T'as du beurre, chérie. Ah bon, c'est ça. Ok. Donc on récupère Darwin, il est toujours là. Attends, mais c'est quoi ce bruit? Non mais hey, là, va falloir le calmer, hein. Va falloir le calmer parce que soit qui dit bonsoir et c'est tout, il s'amuse pas à nous sortir n'importe quoi. Denis. Bonsoir et c'est tout, je m'amuse pas à sortir n'importe quoi. Non mais c'est pas toi, c'est Darwin, hein, d'accord. Ah non, excuse-moi Gérard. Donc bonsoir aussi à Manu et à Fildar, faut pas les oublier. Allez, bonsoir. Voilà, donc Steve. C'est lourd, hein, mec. Steve. Non, mais là, j'en ai vraiment ras-le-bol que vous me traitiez de l'échecu. Steve, s'il te plaît. Ouais, c'est Steve, c'est bon, je suis moins excité avec la musique, là, ça va. Ok, Gabriella, t'es toujours là? Gabriella. Gabriella. Ma puce. Ok. Delphine. Oui. Et Jeanne. Nue sur la glace. Alors, qui veut répondre? Jeanne. Oui. Donc, premièrement, GG, être nu dans la glace, il faut vraiment le faire, quoi, parce qu'il y a quand même un phénomène d'hypothermie, hein. Mm-hmm. Donc, c'est quand même le chaud et le froid, ça le fait, hein. Mm-hmm. Et puis, quand même, ça le fait pas, quoi. D'accord. Tu devrais le savoir, Gérard. Pourquoi tu... Qui c'est qui me pose cette question-là? Eh ben, moi, Gabriella, tu devrais le savoir que, bon, on peut mourir, je veux dire, si t'as vu le Titanic, tu vois, quoi. Ah non, j'ai pas encore vu le ah film. Ah ben, il faut aller le voir, tu vas sangloter. Ouais, mais s'il dure 3 heures... Mais on va pas le temps passer, tu verras bien. Ah non, mais moi, je reste pas 3 heures assis dans un fauteuil à regarder un film. Hein. T'emballerais, t'inquiète. Delphine? Oui. Delphine? Oui, alors... Oh non, mais tu le calmes, là. J'entends pas ce que Delphine me dit. Je dis que j'étais tout à fait d'accord avec Elsie. Bon, moi, je suis infirmière de métier. Et j'ai beaucoup vu de cas d'hypothermie, de cas de pneumonie provoqués par la neige, des gens fous qui se promenaient nus dans la neige et qui en sont morts, effectivement. Mm-hmm. Donc, non, le sac dans la neige, mauvaise idée. Hein. D'accord. Gabriella. Alors, mettez des capotes. Okay. Oui, alors, moi, Gabriella. Genre, allô? Oui. Oui, donc je te disais, Gérard, est-ce que toi, par exemple, tu pourrais faire l'amour nu sur la glace? Bah ben ça c'est ça dépendra. Je pense que oui, parce que déjà quand tu sors, t'es toujours en t-shirt. Stop. Une autre parenthèse, Yann, raccroche ton minitel, on va te rappeler. Voilà. Dans une dizaine de minutes, hein, t'as le temps, Yann. Ouais, ok. Super. Donc oui. Ouais, c'est Jeanne. Mm-hmm. Je voulais te raconter une petite anecdote. Non, mais qui c'est qui me dit je suis toujours en t-shirt? C'est moi, Gabriella. Ah ben moi, oh, s'il vous plaît, là, merci. Allô? Oui, Gabriella, je t'écoute. Oui, donc je disais que je pense que toi, t'aurais la possibilité de faire l'amour sur une glace tout nu parce que t'es assez fort. Non, il aurait tout. T'es toujours en t-shirt, t'as jamais froid. Ah non, mais moi, de manière été comme hiver, je suis en t-shirt. Hein. Et là, même à l'heure actuelle, je suis venu, on est venu en voiture avec Sandy et j'avais juste une veste sans pull derrière. Et t'as le t-shirt de quoi, Gérard? Ricky Martin. Non, je suis vraiment phénoménal. Oh, il est vraiment phénoménal. La, la, la, la, la, la, la. Bon, on s'éloigne du... Oh, c'est bon, lui, là, il commence à... Il oui. Y a non. Non, bah attendez, Steve. Ouais, bah écoute, la question c'est croyez-vous faire du ski nu, c'est ça? Non, l'amour dans un... Croyez-vous faire du ski nu sur la glace? D'accord, alors oui, je crois faire du ski nu sur la glace, pour répondre à ta question. Et à mon avis, ouais, ça doit être un bon délire, quoi, descendre, tu vois, dévaler une montagne à poil, quoi. Ah ouais, dévaler une montagne. Chez moi, je dévale pas une montagne, je dévale les pistes. Bon, alors, avaler une montagne, comme tu veux. Non, bah, là, tu vas pas chipoter, hein. Mais ouais, je voudrais poser une question, Gérard, parce que peut-être que l'infirmière Delphine pourra me répondre, c'est que généralement, on dit que quand on met son... Attends, infirmière à 17 ans? Non, Delphine, elle a pas 17 ans. Ah, si, elle fait des études, d'infirmière. Oh, c'est bon, là, celui qui s'amuse avec Nagano, là, ça commence à me brouter. Donc, merci. Je voulais savoir, parce qu'en fait, on dit souvent que quand on se met le kiki dans du froid, il devient tout petit. Oui. Alors, comment on peut faire l'amour dans la neige si on a un kiki tout petit et qui peut pas être tout dur? C'est pratiquement impossible. Hein. Ah, voilà. Et pourquoi? Parce que, en fait, ton sexe, ton pénis est composé d'une substance spongieuse qui est, comment dire, qui est irriguée par des petites vénules qui t'envoient du sang. Oh, s'il vous plaît, vous la laissez répondre, vous arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît, merci. Quand ton corps est dans le froid, ton sang ne va plus dans tes extrémités, donc plus dans ton sexe, plus dans tes doigts. C'est pour ça que t'as les doigts blancs. Et donc tu es incapable de bander puisque t'as pas de sang. Donc pour bander, il faut du sang. Ouais, mais dans ces cas-là, moi je te reposais une autre question parce que c'est pas du tout le thème du débat. Mais c'est pas grave, comme c'est Fildar qui t'a posé la question. Est-ce que par rapport aux veines, ça a le même rapport? Tu peux t'éclater des veines, ouais. Donc en plus, c'est dangereux. Ah, est-ce que tu le ferais, toi, Gérard, par rapport à ce que tu viens d'entendre? Non, personnellement, non. Ouais, sans ça, t'as la dans le cul. Bon, alors, toi, tu dégages, merci. Alors là, celui-là, tu cherches qui c'est, moi, je cherche, savoir. C'est le lèche-cul, hein, je vais le virer. C'est pas vrai, attends. Non, mais ça y est, c'est bon pour toi, on a compris. Hop, bonne nuit. Oui. Bon, c'est... Oh là, il commence à m'énerver, lui, hein. Il pue jusqu'à Nagano, putain. GG. Ça commence... Oui. C'est Jeanne. En direct. Non, mais ça y est, tu me le sac, oui. On en a rien à foutre. Excusez-moi, sur Minitel, on nous demande, l'infirmière va peut-être pouvoir nous répondre. Oui. On nous dit que le cerveau rétrécit avec le froid, c'est pour ça que Gérard n'est pas en forme. Non, Gérard devrait se couvrir parce que la chaleur se diffuse par le cerveau et il devrait se couvrir, oui. Non, mais attends, mais moi je vais te dire une chose, parce qu'alors. Le cerveau rétrécit en étant moins irrigué, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, les extrémités. Alors moi je vais te dire une chose, Delphine. Pourquoi se couvrir d'un temps comme il fait à l'heure actuelle? Non, mais c'est pas le temps, quoi. C'est pas le soleil qui tape. C'est que c'est dangereux de se promener pas couvert quand il fait froid, c'est tout. Ouais, mais attends, Jeanne, oui. S'il te plaît. Oui, merci. Même si t'as pas froid, ton corps est froid. Même si tu le ressens pas, ton corps est froid. Ton corps refroidit et ta chaleur s'en va par le cerveau. Donc mentalement, ça fait des effets secondaires. Mentalement, c'est voilà. Ok. Si non, c'est bon, on s'éloigne du débat là. Hein. J'ai une question, moi je te réponds. Hein. Mm-hmm. C'est Jeanne. Oui. Je voulais raconter une petite anecdote. Donc, lors d'un tournage que je faisais en Alaska. Non, mais on s'en fout ça, de l'Alaska, d'accord. J'ai juste une expérience qui a un rapport avec la question, alors tu me laisses parler. Ouais, s'il te plaît, tu vas te calmer, hein. Mais Gérard, non, c'est vrai, elle a raison, tu pourrais l'écouter. Ouais, mais elle se calme un peu. Oui. Bah, alors, je te disais. Donc, lors d'un tournage en Alaska, parce que je suis comédienne, eh ben, je devais jouer une scène d'amour et j'ai été gelée avec mon partenaire pendant 3 jours. Et on nous a mis dans une baignoire pleine d'eau chaude, mais c'était affreux, GG. Donc, je ne le conseille à personne. Donc, c'était un avis, quoi, GG. D'accord. Gabriel... Qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais personnellement, rien du tout. Est-ce que tu le ferais, toi, sur la neige, GG ? Personnellement, non. Donc, bon, vous me laissez finir, s'il vous plaît, qu'on fasse le tour. Gabriella. Oui, alors moi, je pense que ça m'exciterait beaucoup, étant donné que le froid fait bander les tétons. Mmh. Donc, je pense que en fait, si tu suces le mec, il n'aura pas froid. Il n'aura pas froid, donc il pourra bander. Mmh. Il est bien d'accord avec moi. Mmh. Et donc, on pourra faire l'amour, comme tu dis, là. D'accord. Steve. T'es pas d'accord? Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est bon, là, oh! Tu vas te calmer, toi, avec Nagano, maintenant, s'il te plaît, merci! Oh, quand tu Nagano, aux Jeux Olympiques. Mais sans doute, celui-là, là! Bah, de Nagano? Oh, non, mais attends, Mais laisse-moi, tais-toi, il répond. Non, mais attends, mais je peux quand même, demander aux gens, ce qu'ils en pensent, hein. Bah ouais, mais tu as jamais demandé depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais pour l'instant, il va se calmer, lui. Steve! Steve? Ouais, la question, répète. Non, tu l'as entendu. Oh là là. Bon, je le mettrai quand tu lui poseras la question. Vas-y, pose à Steve. Steve? La question, c'était quand on est tout nu, c'est ça? Ouais, vas-y. Apparemment, t'es en train de me prendre pour un guignol, non, là. Non, pour l'instant, il est en train de se foutre de moi, il a très bien compris la question. Mais non, je te dis, non, ça serait lourd, sinon. Non, tu l'as très bien compris, la question. Non, ça fait 5 fois que on l'a posé avant le disque et après le disque. Est-ce qu'on peut dire, si, je t'ai raconté quand je dévalais la montagne. Non, bah, alors t'as déjà répondu, donc, bah, ok. Oui, hein, alors, Denis. Pas, Denis. Denis, il a répondu. Mais Denis, il est parti. Ah bon? Tout le monde, tu suis plus, Gérard. Gérard, tu suis plus, là. Hein. À la place de Denis, on accueille Benjamin. J'ai passé par les questions sexuelles. Hein. Donc, Benjamin, bonsoir. Bonsoir à toi, mon ami Gérard. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, s'il vous plaît, là, on se calme. Donc, il y a une chaude ambiance ce soir. Oh, il commence à m'énerver, celui-là, à passer sur tout le monde. Putain, s'il te plaît. Il se l'est géré. Ah, ça m'énervait, celui de Nagano. On s'en fout de lui, allez. N'y pense plus. Alors, peut-on faire du ski nautique à 4? Benjamin. Ouais. Pourquoi pas? Je sens que les nanas, vous allez gerber. Non, mais elle était marrante, ta question, Gérard. Sérieusement, là, c'est un débat sérieux qui se fait. Là. Benjamin. Oui. Tu réponds, s'il te plaît. Oui, pourquoi pas? Moi, je pense, pourquoi même pas à 8 ou à 6, de Gérard, hein? Mm-hmm. Nous pourrions travailler ta question, nous pourrions faire du scénotique à 9, à 12. D'accord. Jeanne. Oui, bah écoute, je suis tout à fait d'accord. On peut le faire à plusieurs, à 50 même. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est bon. Delphine. Oui. Eh ben ouais, tu peux en faire tes deux qui skient et deux sur les épaules. Ok. Gabriella. Alors moi, j'aimerais bien faire du ski nautique avec toi, Gérard. Ça, mais laisse tomber, Gégé, il veut pas de toi. Non, mais t'inquiète. Laura. Toi, tu vas me voir, il va tomber dans les pommes. C'est ça. Donc Gérard, j'aimerais bien le faire avec toi, qu'on aille au milieu de la mer et qu'on fasse l'amour sur le ski nautique. T'es pas un peu scato? J'ai l'impression, hein. Dans la mer, tu veux dire quoi, scato, Gérard? J'en sais rien, mais je voudrais bien qu'à continuer parce que je crois que pour l'instant, depuis le début, elle n'arrête pas de parler. Ouais, avec toi, mais je vais te dire une chose. Oh, c'est bon, toi, avec Nagano, tu m'énerves. Sandy, un pleur. GG. Oui. On en fout de Nagano. Bon, là, ça commence à bien faire. Non mais c'est décalage. On commence pas le... On va pas. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Gérard, reprends le débat. Non mais là ça commence à me gonfler. Gérard, tu vas faire quelque chose. Ça y est, c'est fait. Ouais, bah tu le vires complètement, celui-là. D'accord. Je m'énerve. GG. Oui. Pour toi, Sandy, c'est la plus belle femme du monde, n'est-ce pas? Voilà, bon, ça y est, on vous l'a dit qu'elle était belle, d'accord? Ouais, mais belle comme qui? Comme Madonna? Voilà. Enfin, qu'elle ressemble à Madonna. Ou comme Pamela Anderson? Non, comme Madonna. Elle est comme Madonna? Non, Céline Dion. Allez, hop, c'est pas le thème du débat. Steve. Steve. Steve. Oui. Pour toi? Bah, pour moi, non, c'est impossible de faire du ski nautique. Mais à 4, pourquoi? Bah, parce que c'est trop. Bah, attends, mais c'est faisable, hein, c'est bien une chose. Moi, j'ai voyagé, j'ai visité le monde entier, des peuples complètement différents et variés. J'ai jamais vu ça. Donc, je sais pas d'où tu prends ces questions, mais je vois pas. Si, moi, j'ai déjà vu ça, GG, hein. Ah, si, moi, j'en ai vu au cirque. Hein. Au cirque, en plein hiver, j'ai déjà vu ça. Non, mais attends. Au cirque d'hiver, à Nagano. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, que du ski nautique à 4, c'est faisable. Non. Si. Non. Ah, pourquoi? Bah, parce que c'est Steve, j'ai jamais vu, donc, étant donné que j'ai voyagé, donc c'est impossible. Ouais, mmh. Mais si, GG. Non, mais attendez, moi, je vais vous répondre, moi, je peux vous dire une chose, que du ski nautique à 4, c'est faisable. Ouais. Non. Ça fait, si, si, Steve. Fait, non, j'en ai jamais fait, mais moi je peux vous dire que c'est faisable. Mais attendez, moi je vais vous dire pourquoi. Mm-hmm. Parce que si sur le bateau qui tire, s'il y a 4 cordes, vous êtes à 4 et le bateau tire à 4. Je suis désolé. Parce que maintenant on fait du ski nautique avec un bateau qui tire. Ah bah oui. Gérard, si on a que 2 cordes. Eh ben, s'il y a que 2 cordes, on est à 2 sur 2. Ah, avec oui, la poignée. Gérard, une fois de plus, il y a des problèmes mathématiques Gérard, c'est avec Steve. Oui, c'est Steve. La corde craque. Gérard, c'est Steve. Tant que tu diras ça, tu me trouveras toujours contre toi. Parce que c'est pas vrai. C'est impossible. Eh ben, dans ce cas-là, Steve. Je m'élèverai toujours contre cette idée de dire qu'on peut faire du ski nautique à 4 alors que c'est impossible concrètement. Mais moi, je te dis que c'est possible. On est bien d'accord. T'en as fait. Et où? Moi, je te dis que c'est possible, c'est tout. Non, t'en as fait à la mer des sables, non? Gérard. C'est tout, c'est possible. Est-ce que tu en as fait? Non, j'ai jamais fait de ski nautique, mais moi, je peux vous dire que c'est faisable. C'est impossible. Mais moi, je te dis que si, Steve. Me contredis pas parce que t'auras tort avec moi. C'est bon. Clair. T'auras tort. Ouais. Moi, je me range du côté de Gérard, je suis sûr que c'est possible. Voilà. Bien sûr que c'est possible, t'as raison. Mais non, c'est pas possible. Mais Gabriella, tu comprends rien ou quoi? Mais non, je comprends pas. Moi, écoute, je sors dans le froid, donc ça fait des effets secondaires. Hein, non, Gabriella a dit que c'était possible, donc c'est possible. En fait. Bah, je vous dis que c'est possible. Gabriella, moi, je te dis que c'est possible et c'est tout. Tu confonds, Gabriella, elle a dit que c'était possible. Moi, je m'en fous. Tu confonds avec les autres. Qui c'est qui est pas d'accord? Qui c'est qui était pas d'accord avec moi comme fille, alors? C'est moi, Steve. Non, mais toi, Steve, c'est bon, on a compris. Le ski est-il plus fatigant que de faire l'amour? Oh. On continue. Je ne peux pas changer de champ lexical. Ça dépend ce que tu fais comme piste. Vas-y, Steve. Bah, ouais, surtout que c'est pas Steve, mais bon, c'est Benjamin. Benjamin, alors, vas-y. Mais si tu prends une piste noire avec plein de bosses dans tous les sens, c'est sûr. Ça va être très dur, mais si tu prends une piste verte, c'est sûr que ce sera beaucoup moins dur que de faire l'amour, évidemment, Gérard. Je sais pas ce que tu en penses, toi, d'ailleurs. Attends. Et Steve? Oui. C'est pas Steve. Benjamin. Oui. T'as déjà vu des pistes vertes? Bien sûr. Ah bon, où? Bah, des pistes avec du Nagano. Ah, merci. Ah, voilà, c'est bon, Nagano, ça. Voilà, celui qui s'amuse avec Nagano, ça commence à me gonfler, hein. Ok. Ça commence à me gonfler, là. Sérieusement, hein? Gérard, c'est Gabriella. Oui. T'aurais dû poser la question comme ceci. Pensez-vous que vous pouvez faire l'amour? Le ski? Sur un ski nautique, c'est plus simple. À 4. Non, mais, Gabriella. Dans le creux d'une vague. T'es pas d'accord? Gabriella, oui. c'est pas la question, c'est la question. Le ski est-il plus fatigant que de faire l'amour? Voilà. Ah oui, d'accord. Gérard, est-ce que tu as une expérience, toi, de vécu pour nous dire ça? Ah ben ça, je vous répondrai tout à l'heure. Maintenant, vous laissez Gérard, parler t'as les déjà gens. Fait du ski ou pas? Oui. T'en as fait où? Fait l'amour, Gérard, aussi. J'étais en Savoie. Ouais, c'est bon, ouais. Celui-là, il commence à me gonfler. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses que le ski, c'est plus fatigant que faire l'amour? Surtout avec Sandy, quoi. Disons, le plus chiant, c'est de faire l'amour. Ah bon? Ah ouais. Ah bon, c'est plus chiant que de faire du ski. Ah ouais, je préfère faire du ski que l'amour, parce que l'amour, ça devient chiant. Hein. Oh, c'est sympa pour... C'est sympa pour Sandy. C'est sympa pour Sandy ce que tu dis, genre. Ah, elle est au courant, elle. Alors, ça veut dire que tu préférerais. On te propose, t'as un choix. T'as un billet d'avion pour partir à la montagne, t'éclater sur les pistes pendant 15 jours. Vas-y. Et t'as une capote dans l'autre main pour faire l'amour avec Sandy. Qu'est-ce que tu choisis? Ah, mais attends, moi je préfère faire l'amour avec Sandy et prendre le billet d'avion que de prendre la capote. Non, mais. C'est la capote, tu choisis entre les deux. La capote, on s'en sert plus. Oui, bon, ok, bon, admettons. T'as Sandy d'un côté, le ski de l'autre. Tu choisis le ski, toi. Ah non, je choisis Sandy. Ah, désolé. C'est normal. C'est pas ce que t'as dit il y a 5 secondes. Ouais, mais peut-être. Ah. Mais ça, c'est pour savoir ce qu'elle va me dire tout à l'heure, parce que je sens que je vais m'en prendre plein la poire. Enfin, bref. Jeanne. Oh, c'est bon, Nagano, là. Gérard, c'est Gabriella. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu ressens plus rien avec Sandy, quoi, quand tu fais l'amour. Ah si, au contraire. Tu dis que t'en as marre, c'est chiant de faire l'amour. T'as à peine à jouir, Gérard? Ça te regarde pas. Est-ce que tu mets des préservatifs? Non. Oh, tu mets pas de préservatifs? Enfin, mais t'es fou, mais t'es malade. Non, mais attendez, on a fait... T'es con. Est-ce que t'as fait le test d'abord? Bien sûr. Gérard, là. T'es inconscient, oui, là. Non, je peux vous dire une chose, qu'on a fait le test et je suis tout à fait confiant de mes actes. Mais qui dit que Sandy va pas faire Nagano. Oh, ça y est, Nagano, là, tu m'énerves. Écarté du sujet. Non, deuxième question, s'il te plaît. Non, mais on continue, Gabriella. Vas-y, continue. Qui dit que Sandy ne va pas voir ailleurs? C'est dangereux de pas mettre préservatif. Ah non, mais alors là, je peux te dire une chose, qu'elle est tellement attachée à moi qu'elle ira pas voir ailleurs, et même si on veut, on peut le... Non, on peut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous inquiétez pas, parce que Gérard, quand il fera du ski, il mettra des capotes. Hein. Ça, c'est clair. Gégé? Oui, ça vaut mieux. Je voulais te parler justement à propos du ski. Il y a un nouveau truc, c'est le ski sur la pelouse. Ouais, du ski sur neige. Non, mais ça, c'est pas du tout le thème du débat, d'accord? Non, mais c'est du ski sur neige sur pelouse. Eh ben, c'est du ski sur herbe. Oui, avec, voilà. Avec des roulettes. Voilà, merci. Avec des skis aussi. Ouais, mais je connais, hein. C'est des skis qui sont adaptés sur des roulettes, d'accord? Voilà, exactement. Tu connais le ski? Gérard, tu connais le ski sur goudron? Non, c'est avec des patins à roulettes. Merci. Voilà. Steve? Ouais, bah écoute, donc je t'en remercie. Ouais, donc je pense que ça dépend donc des pistes et ça dépend du style d'amour, mais je pense que faire l'amour, c'est beaucoup plus plaisant que faire du ski. Mm-hmm. Mais faire du ski, c'est plus fatigant que faire l'amour, mm-hmm. à moins que ce soit le contraire. Alors attends, alors Steve, oui. Tu viens de dire que faire du ski, c'était plus fatigant que faire l'amour, c'est oui. ça? À moins que ce soit le contraire ou vice-versa, en dernier lieu. Ah oui, mais alors maintenant, moi je te retourne la question. Ouais. Pourquoi que faire du ski, c'est plus fatigant que faire l'amour? Parce que t'es obligé de pousser sur les bâtons. Oh, ça y est, toi! Eh, il passe sur qui, lui? Gérard. On va accélérer un peu. Il reste deux questions et c'est fini après. Très vite. Donc, pensez-vous qu'un Nagano, il roule des patins? Ça, c'est la question à fil d'art. On peut demander à Darwin, puisqu'il a Nagano. Ouais, non, mais attends, bah, rapidement. Darwin. Bon, Darwin, s'il te plaît, tu te réveilles. Come on, honey. Oh, yeah. Darwin. Ouais, c'est bon, Darwin, il est plus là, d'ailleurs. Ouais, allez, hop. Ouais, bah c'est bien. Merci Darwin. Darwin, bonne nuit. Steve. Oui. Donc pour toi. La question c'était quoi? Oh, Darwin, tu commences. Steve. J'ai entendu Nagano. Non mais Steve, tu commences à me gonfler, tu me fais répéter toutes tes questions sans arrêt. Est-ce qu'un Nagano roule des patins? Pensez-vous qu'un Nagano, il roule des patins? Ok. Alors Steve, ça se passe bien. Non, mais phénoménal. Ouais, Gérard. Gérard, reprends ta question un par un parce que on est pas. Alors Steve, oui. Pensez-vous qu'un Nagano il roule des patins? Il roule des patins, tu veux dire quoi? Rouler une pelle ou bah oui. Des patins? Oui, je pense qu'un Nagano il roule des patins. Quelle question. Ouais, elle est nulle ta question, Gérard. Je sais pas quoi répondre, Gérard. Oh, Gérard, elle est nulle ta question. Bon, si ça vous plaît. Ouais. C'est clair. Je réponds. De Gabriella. Oui, alors je pense que à l'instant, on peut pas rouler des patins étant donné que il neige, donc on peut pas mettre des patins à roulettes sur de la neige. Hein. Mm-hmm. D'accord. On peut pas rouler des patins forcément. Ok. Delphine. Oui. Donc pour toi. Oui. Bah oui, quoi? Bah oui, oui, je pense. Bah oui, les soupes de langue, c'est possible. Voilà. Mais non, Jeanne, Delphine, je vais te dire une chose, je sais pas, mais t'as pas l'air de... Je te dis que je pense que les gens échangent aussi leur fluide corporel et leur slip jaune. Voilà. Oh là, d'accord. Jeanne? Écoute, ouais, tout à fait, ouais, ils roulent des luges, des skis, des patins, enfin, tout ce que tu veux, quoi, tout ce qui a rapport, tout ce qui glisse, quoi, sur la neige, hein. Mmh. Y a pas de problème. D'accord. Benjamin? Bah oui, à mon avis, why not, ça doit se rouler des patins dans tous les sens, hein. Nagano, ça doit bien rigoler, hein. D'ailleurs, notre ami Darwin, s'il n'était pas aussi fou, pourrait nous le confirmer, mais malheureusement. Hein. Bah oui, c'est pas de sa faute, mais de manière, je... Ici, un homme. S'il te plaît. Je crois qu'il est un peu con, Darwin, hein. Il faut bien le dire. J'ai l'impression. Ah, Nagano. C'est avec le satellite. Ah, Nagano. Oh. Voilà, il l'a signé à fait, ben voilà, tu vois, si tu le laisses parler, il n'y aurait pas de problème. Bon, enfin, bref. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que je pense pas pour l'instant qu'on puisse rouler des patins à Nagano. Hein. Et pourquoi? Est-ce que tu es déjà allé à Nagano, en Afrique? Nagano, c'est pas en Afrique, d'accord? Non, c'est en Afrique. Voilà, attendez, apprenez votre géographie, Nagano, c'est au Japon. Nagano, c'est au Japon, t'es quoi, toi, tu te tais? Oh, Darwin, s'il te plaît, tu la fermes, merci. Gérard, si t'es si fort, où c'est alors, Nagano? C'est au Japon. Oh, tu t'écrases, Nagano. Le Japon, c'est en Afrique, Gérard. Non, ouais, ah ouais, le Japon est en Afrique. Ah non, c'est bien. À côté de Madagascar. Mais Gérard, c'est pas comme ça. Gérard, j'ai voyagé. Entre Lille et Grenoble. Ouais, c'est ça, entre Lille et Grenoble. Pourquoi pas entre Marseille et Paris? Bah oui, pourquoi pas. Entre Lyon et Nîmes. Il doit rouler des patins aussi là-bas. Bon, dernière question. Et après, on fait la conclusion parce que dans 4 minutes, on fait très vite la dernière question. Alors, êtes-vous pour les Jeux Olympiques d'hiver à Tahiti? Et voilà, ce sera la dernière. Benjamin, soit vous demandez à Fildar, c'est Fildar qui s'amuse à trouver des questions bidons. Non, mais Fildar, c'est pour poser des questions à la con, ce n'était pas la peine. Hein. Ah ben, tant pis, c'est Fildar qui a choisi ce. Gérard, attendez, s'il vous plaît. Hey, je peux vous dire une chose, que les deux dernières questions, c'est Fildar qui me les a posées. Bien joué, Fildar, l'imagination, hein. Non, je trouve que la dernière question, c'est la meilleure du débat. Ouais. C'est clair et net. Non, mais à manière, vous avez. On va demander à Benjamin. On va demander à Benjamin. Déjà, à Tahiti, il n'y a pas de montagne, donc déjà, ça risque de se compliquer pour tout ce qui est slalom et tout ça. Par contre, pour ce qui est de rouler des patins à Tahiti sur le sable, je ne pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Gérard. Ah, mais moi, tu es allé à Tahiti. Non, jamais, mais je peux te dire une chose que. C'est à 2 km de Marseille, pourtant, c'est pas loin. C'est à 2 km de Marseille. C'est ça. Loin. Non, d'accord. Jeanne. En direct de Tahiti. Non, non, mais attends, vite, il est en direct de Tahiti. Non, non, mais il commence à m'énerver, celui-là. Il a un jet privé. Donc, je réponds. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, parce que à Tahiti, le climat est tout à fait favorable. La neige tombe tout le temps. Ah ouais, elle atteint des sommets. C'est une région très montagneuse, donc c'est bon pour l'équilibre, c'est bon pour la glisse. Attends, Jeanne. Oui. T'as déjà vu des montagnes à Tahiti? Bien sûr. Oui, Gérard, je suis originaire de là-bas et je peux dire qu'il y a des montagnes à Tahiti. Oui. Ah bon, je confirme. Ok, ben. Ouais, à Tahiti, Gérard. Non, mais comme on verra une carte postale de là-bas, je verrai s'il y a des montagnes. Parce que, à mon avis, j'ai avec la mer. Non, je t'assure, il y a des montagnes. Si Delphine. Oui. Delphine, s'il te plaît. Oui. Donc, tu réponds? Moi, je trouve que c'est une super idée, en fait, parce qu'à Tahiti, au moins, les gens, ils peuvent faire la teuf. Il y aurait des vaïnés, il y aurait de la musique, il y aurait des sterpés qui rouleraient. Enfin, bon, ça serait super, quoi. Enfin, des Jeux Olympiques intéressants. D'accord. Gabriella? Très bien, à Tahiti, faire du sport de glisse dans la neige. D'accord. Steve? Beaucoup voyagé, je continue à beaucoup voyager. C'est vrai que c'était un projet en fait de faire des Jeux Olympiques d'hiver à Tahiti, mais ça a été abandonné, hein, c'est sûr. Ok. Donc on va demander à Darwin quand même, parce que je pense qu'il a une réponse. Darwin. Ici à Nagano, il y a aussi la mer. Bon, ça y est, c'est bon, on a compris. Merci. Bah tiens, tu peux conclure, lui, parce que... Bon, Darwin conclut. Bah attends, on passe déjà les autres. Non, on fait Darwin en premier. Ça y apprendra, parce que ça y commence à me gonfler, lui. Bon, Darwin. Il est en train de réviser. Bon, allez, attends. Hi, Darwin. Pour Tahiti, la neige. Voilà, merci. Okay. On a compris. La neige, ben c'est bien. Steve, conclusion du débat. Bah écoute, conclusion du débat. Ton débat s'est très bien déroulé, Gérard. Donc félicitations, ça s'est bien passé. Par contre, juste petit bémol, tant que tu diras qu'on peut faire du ski nautique à 4, je serai toujours contre toi. C'est trop dangereux de laisser dire des choses comme ça à la radio. Quoi. Ok, mais de toute manière, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Donc chacun a son point de vue là-dessus. Ok. De toute manière, tu pourras demander le jour qu'il y aura un sportif qui viendra dans les locaux de fun, tu pourras lui demander. Je suis sûr que Gérard a raison. Hein. Très bon débat, Gérard. Très bon débat. Okay. Gabriella, pour toi, la conclusion du premier débat. Alors pour moi la conclusion c'est que ton débat s'est très très bien déroulé, je suis très contente de toi, très très fière de toi, et j'aimerais bien un jour pouvoir te sucer la queue, voilà. C'est bien. Ça tu demanderas l'autorisation à... Non, tu seras toutes les deux. À Fildar, j'autorise, tu pourras lui sucer la queue. Moi aussi, je permets, je suis solidaire avec Fildar. Delphine, pour toi. Oui. Conclusion. Moi, pareil, je trouvais que c'était un super débat qui a bien avancé, intelligent. Petit bémol également, je suis pas contente parce que tu mets pas de capote. Et puis, vive Fildar, quoi. Oh, mais attends, mais moi, je vais dire une chose, je mets pas de capote parce qu'on a fait les tests et maintenant, je suis libre de mon corps, c'est tout. Déjà, c'est pas intelligent de le dire, c'est pas un bon exemple. Mais de quoi? Mais attends, mais je suis libre de dire ce que je veux. Non, mais. Vous m'avez posé la question, est-ce que je mets des capotes? Je vous ai répondu. Jeanne, s'il te plaît. Il y a des gamins qui t'écoutent. Mais alors? Mais moi, je suis libre de dire ce que je veux. On m'a posé la question, est-ce que je faisais l'amour? Mais attendez, s'il vous plaît. Non, mais de toute façon, Gérard, mais capote, il a fait le test, donc il n'y a pas de problème, les gamins, ils font pas le test, ils mettent des capotes et voilà. C'est tout, chacun voit midi à sa porte. C'est Gérard le plus malin. Chacun voilà. Ce qu'il fait de son corps. Voilà. Donc Delphine pour toi. Non, c'était Delphine. Ouais. Delphine. Jeanne. Écoute, le débat a été fort enneigé, hein. Donc on a un peu glissé sur les pistes, endiablé de Nagano. Bon débat, peu intéressant. Bon d'accord, toi, le jour où tu vas me dire que les débats sont intéressants, tu me feras signe, hein. Ok. les poules elles auront des dents, hein. Ouais. J'en parlerai à mon cheval demain. D'accord. Ok. Benjamin, pour finir. Moi, Gérard, bon, j'aimerais bien te sucer la queue aussi, mais bon, ça, on va pas le dire tout de suite. Bon, ben ça, je dis une chose pas par toi, d'accord. Et puis, si c'est pour me dire des conneries comme ça, c'est pas la peine. Un débat admirablement conduit. Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de dérapages. On a bien glissé sur les questions, ça s'est bien enchaîné. Et Gérard, nous t'en remercions pour cette politesse dont tu as fait preuve dans ce débat qui est d'une rareté phénoménale. Ouais, mais ça, j'avais prévenu l'équipe mardi que si ça se passait mal, que ça allait se terminer au vinaigre. Et tu as bien fait, tu as mis les points sur les i et les barres au t, et tu as bien fait, Gérard. Donc, pour moi, je peux vous dire ma conclusion, je suis content pour une fois. J'espère que le deuxième va se passer comme celui-là, parce que s'il se passe mal, je préviens d'entrée que à la quatrième question, je vais dormir chez moi. Donc, on écoute quoi, là, on va s'écouter, j'aime mieux péter avec une capote, ouais. C'est moins, ça fait moins de bruit. Donc voilà, et on vous retrouve après pour le deuxième débat sur l'aspirateur. Et donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615 Code Fun Radio, rubrique directe.